Le caillou chaud. On dit que lorsque la célèbre bibliothèque d'Alexandrie brûla, tous les livres furent perdus sauf un. Apparemment sans valeur, le livre était tombé entre les mains d'un homme pauvre qui le lut avec difficulté. Il ne trouva pas le livre très intéressant. La seule chose intéressante était un morceau de parchemin coincé entre deux pages, sur lequel une carte était dessinée. Sur cette carte était indiqué un point près de la mer. Le secret de la pierre de touche était-il écrit sous la carte? La pierre de touche était-il expliqué, censée transformer le cuivre en or, était un petit caillou caché quelque part au bord de la mer, parmi des milliers d'autres cailloux. Et quel était le secret pour le trouver? À la différence des cailloux ordinaires, qui étaient tous froids, ce caillou spécial était chaud au toucher. L'homme était enchanté. Il quitta sa maison avec une provision de nourriture et se rendit au bord de la mer, où il commença sa recherche. Il décida de ramasser les cailloux, un par un, et de les jeter à la mer s'ils étaient froids. De cette façon, il était sûr tôt ou tard de tomber sur la pierre de touche. C'est donc ce qu'il fit pendant des heures, puis des jours, puis des semaines. Des mois s'étaient écoulés lorsqu'un matin, il commença sa routine quotidienne comme d'habitude. Le premier caillou était froid et il le jeta à la mer. Le suivant était froid et il le jeta à la mer, de même que le suivant. Et le suivant? Et le suivant? Il ramassa alors un caillou et il était chaud. Il le jeta à la mer. Au moment où il se rendit compte de ce qu'il avait fait, il était trop tard. En suivant sans réfléchir l'habitude qu'il avait prise, il avait raté sa chance de posséder d'innombrables richesses. Très souvent, nous faisons des choses sans réfléchir, car les habitudes régissent une grande partie de notre comportement. Ne nous serait-il pas profitable d'examiner de temps en autre nos pensées, nos paroles et nos actions pour nous assurer que nous ne nous comportons pas comme des machines ?